Oh, mes amis, je suis comme une petite pucelle effrayée qui vient de lire dans ton esprit pervers et retors, mon petit Christophe. Mmh. Vous le savez, samedi, c'est l'élection de Miss France, mais c'est également le bal des débutantes. Un grand rassemblement où les jeunes femmes de bonne famille mettent leur première robe du soir pour aller rencontrer du fils de noble ou de notable et espérer faire un mariage intéressant. Quand je dis intéressant, je veux dire plein d'argent et s'il le faut, sans amour et sans émotion. Ce qui s'appelle choisir le sang bleu pour que la carte de la même couleur devienne carte blanche et transforme une existence grise en vie en rose et fasse que votre banquier ne voit plus rouge au risque de l'avoir dans le marron pour le restant de ses jours. Vous allez me dire? Oui, qu'est-ce qu'on va te dire? Tu allais me dire? Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On va faire avec toi, Helmut. Hein, tu allais me le dire? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi, Helmut? Ah! Je le savais! C'est à quoi je réponds? Vous croyez tout de même pas que je vais laisser passer comme ça un troupeau de petites morues toutes fraîches enlever le petit doigt? Quand je dis lever le petit doigt. Oui, on comprend que c'est peut-être. C'est une image. Mmh. Je me suis donc rendu à un cours de bonne manière, histoire d'avoir toutes les chances devant moi pour accrocher de la loutre. Ça donnait ça, en gros. Bonjour madame, je viens ici pour Steve. Mais qu'est-ce qui t'arrive, la vieille? Jeune homme, apprenez que chez les gens bien, on ne dit pas bonjour madame, mais mes hommages, madame. Ah, vous savez, je débute, il faut pas m'en vouloir. Oh, que voulez-vous? Bon, alors en fait, je viens ici pour apprendre les bonnes manières. Dans 3 jours, c'est le bal des débutantes et je vais être irréprochable. Vous comptez vous rendre au bal des débutantes dans quel objectif? Ben, pour choper de la petite poulette d'élevage, enfin. Voilà qui est clair, au moins. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment approcher une jeune fille de bonne éducation. Faites-moi voir un peu comment vous y prenez d'habitude avec les femmes quand vous les abordez. Ah, ben, d'accord. Accroche-toi, la momie, tu dois pas être habituée. Alors, la grognasse, on a un rodage, on n'ose pas s'approcher. Allez, viens avec moi, je vais te le faire rugir le moteur, moi, tu vas voir. J'espère que t'as les pistons lubrifiés, parce que tu vas monter dans les tours, moi je te le dis. Voilà, en gros, je dis un truc comme ça. Oh! Oh, la vioque, j'ai fini, réveille-toi! Oh! Eh ben, croyez-le ou pas, mon Christophe, elle s'est évanouie, la prof du bon goût et des belles manières. Du coup, j'ai demandé des conseils à Zouzou en matière d'approche de la jeune fille des bonnes familles. Alors, il m'a dit... Mais tout si Helmut avec ce jour de grognasse, tu fais pas le détail, hein? Tu oublies le technique du petit colibri, et tu deviens loufaque au cher de la passion. Tu lui lèches la joue, tu la traînes dans un coin pour les cheveux, et tu la ravages comme une bête sauvage. Des conseils que je compte bien appliquer à la lettre dans 3 jours. Ah, je sens que je vais faire un carton chez les fans de Nadine de Rothschild. Auf Wiedersehen.